Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. En 1977, le 12e et avant-dernier film de Robert Bresson, Le Diable probablement, sortait en salle et recevait l'Ours d'argent au Festival du film de Berlin. Un an plus tard, à l'occasion d'une rétrospective de son œuvre organisée au cinéma L'Action République à Paris, Claude Jean-Philippe recevait pour en parler Jean-Claude Biette, Luc Moulet et Serge Danet. 3 ans après la publication des fameuses notes sur le cinématographe, les deux cinéastes et le critique évoquaient la prétendue rigueur du style bressonien, la spécificité de son travail avec les acteurs, l'accueil critique pour le moins mitigé réservé à son dernier film et son influence sur le cinéma contemporain. Le cinéma des cinéastes, sur l'œuvre de Robert Bresson, une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 28 mai 1978. Ceux qui cultivent les beaux-arts, ce ne sont pas ceux qui s'occupent de l'art, art poétique ou bien musique. Les artistes sont les acteurs, les actrices. Si nous étions des artistes, nous ne dirions pas le cinéma, nous dirions le ciné. Mais si nous étions de vieux professeurs de province, nous ne dirions ni ciné ni cinéma, mais cinématographe. Aussi, mon Dieu, faut-il avoir, avoir du goût. Alors, autour de ce micro, pour parler de Bresson, des cinéastes que vous connaissez déjà pour avoir vu leurs films et qui ont la gentillesse de venir souvent à notre émission pour parler pas seulement de leurs films, mais des films des autres aussi. Luc Moulet, qui est l'auteur de « Anatomie d'un rapport », mais de « Des contrebandières », de... Enfin, Brigitte et Brigitte, et d'un film que j'aime beaucoup et qu'on n'a pas encore vu en France, que les Africains ont vu, et qui est un film qui s'intitule Billy le Kid, c'est ça, avec Jean-Pierre Léo. Bon. Jean-Claude Biette, dont on a vu l'année dernière Le Théâtre des Matières. Serge Danet, que vous connaissez aussi, qui est déjà venu souvent avec nous, et qui collabore au Cahier du Cinéma, qui enseigne à... Sancier, c'est ça. D'ailleurs, on se propose d'ailleurs dans une prochaine émission de te faire venir avec tes étudiants, parce que ce serait très intéressant de voir comment les étudiants d'aujourd'hui reçoivent le cinéma et le vivent. Bon, alors, recevoir le cinéma et le vivre, Bresson, pendant très très longtemps, ça a été, tu le disais hier, Serge Danet, au débat de l'Action République, il y a un discours sur Bresson qui s'est constitué, un discours pour et un discours contre, et le discours pour était marqué par une espèce de respect paralysant, la rigueur bressonienne, le jansénisme, etc. Et le discours contre, c'était un espèce de dédain, comme ça, Bresson l'ennui, Bresson la prétention, Bresson l'horreur, etc., etc. Ben, Bresson chrétien, vu dans le sens péjoratif, Bresson curé, quoi, disons. Alors, je crois qu'il faudrait partir de ça. Enfin, il faudrait partir de cette image mythique de Bresson et reprendre les mots, quoi, rigueur. Alors, est-ce que le monde de Bresson est aussi rigoureux, réservé, tenu, retenu, froid, puisque c'est finalement la rigueur est très souvent symbole de froideur. Est-ce qu'on se trouve devant un univers froid? Moi, je crois pas. Il y a une réponse à apporter. Luc Moulet. Pour chaque film. Effectivement, bon, pour certains films, on peut parler de plus de froideur, mais je ne crois pas que ce soit ce qui se dégage de l'œuvre de Bresson. Vous avez des films comme Au hasard Balthazar, qui sont des films où il y a énormément de choses qui vous touchent. Et non, la froideur, je la trouve pas du tout chez Bresson. Il y a effectivement une rigueur, mais rigueur et froideur, c'est pas la même chose. Encore faudrait-il la définir, cette rigueur, et pas dans le sens de ce fameux hiératisme, de ce fameux dénuement, de cette tension vers l'écran blanc dont on a parlé jadis. Je veux dire qu'il fut un temps où on disait que le comble pour Bresson, c'était d'avoir un écran blanc. Je crois pas. Enfin, lui-même n'a jamais dit ça. Non, mais il y a eu un moment où peut-être on pouvait avoir l'idée que Bresson tendait à l'écran blanc, qui doit être d'ailleurs un peu après Jeanne d'Arc. Et il y a certainement une grande césure dans son œuvre, après ces films-là, où il s'est graduellement réintéressé très très violemment à quelque chose qui n'est pas du tout de l'écran blanc, mais qui est bel et bien... tout bêtement, les problèmes d'aujourd'hui. Mais il n'est pas exclu qu'il y ait eu chez lui, dans un premier temps, une sorte d'ascèse de plus en plus poussée, une sorte de travail par le vide, d'élimination de tout ce qui était superflu, ce qui a accrédité une sorte de légende de Bresson tendant vers l'écran blanc. Et puis, dans un second temps, et c'est très très visible avec les deux derniers films, et encore plus avec le dernier, au contraire, à partir de ce travail d'élimination du superflu, de se reposer les problèmes les plus communs, enfin les plus actuels, les plus rebattus même, qui soient dans la société française. Oui, mais alors, on va quand même, puisqu'on peut voir les Dames du Bois de Boulogne actuellement, puisqu'on peut voir... Il y a peu de chances pour qu'on voit le journal de la Curie de Campagne dans la mesure où il n'y a pas de copie visible. C'est pas absolument exclu. C'est pas absolument exclu, mais enfin, dans la mesure où on peut revoir Le Condamné à mort s'est échappé, Jeanne d'Arc, le procès de Jeanne d'Arc, etc. Moi, il y a toujours quelque chose qui m'avait profondément irrité chez les gens, disant c'est froid, c'est glacial, c'est hautain, alors que moi, je trouvais ça bouleversant. J'étais personnellement bouleversé par ces films. Et je ne trouvais pas du tout ça aussi uniforme qu'on voulait bien le dire. Alors c'est cette uniformité, je crois, dont il faudrait parler quand même, qui est un leurre, enfin, qui est une apparence, parce que à partir du moment où on entre là-dedans, aucun instant dans les films de Bresson, de la grande époque, enfin, qui restent pour moi ceux de la grande époque, entre guillemets, n'est uniforme. Il y a une certaine uniformité par le jeu des acteurs, encore qu'il y ait pas mal de différences entre les films, mais quand même, c'est un point commun à l'ensemble des films. Ben alors, si peut-être on parlait... pas pour le premier, mais pour tous les autres. Ben alors, si on parlait de ce jeu, enfin, puisque c'est là-dessus que tout porte, puisque lui-même fait porter sa réflexion sur le jeu. Je signale d'ailleurs qu'il a écrit un très beau livre d'aphorismes comme ça sur le cinéma, où il traite de l'acteur. Il ne parle plus d'ailleurs d'acteur, ni même d'acteur non professionnel, il parle de modèle. Alors, si on essayait d'analyser un peu comme ça la relation de Robert Bresson à ses modèles. Enfin, tout à l'heure, on avait utilisé le mot rigoureux. Ce qu'il faut dire derrière ce mot, c'est un des rares cinéastes dans l'après-guerre français qui très très vite a formulé un certain nombre de principes extrêmement rigoureux au sens de sévère, auxquels il s'est lui-même tenu. Et parmi ces principes, il y en avait un qui consistait à éviter autant qu'on pouvait le faire ce que lui appelle le théâtre. Alors en même temps, c'est pas très simple, parce qu'en évitant la théâtralité, disons, du boulevard ou de la comédie française, il a évidemment trouvé un autre type de théâtralité ou un autre type d'exhibitionnisme, qui est justement cette fameuse voix bressonienne et cette manière très retenue de parler. Peut-être que la différence, c'est que dans le cinéma qui s'inspire du théâtre, ou qui n'est pas antagoniste au théâtre, je pense par exemple à un cinéaste comme Renoir, ce qui est donné à voir au spectateur, c'est un personnage qui s'exhibe devant d'autres personnages qui le reconnaissent comme un acteur, et il y a un plaisir à être vu jouant et à être reconnu jouant par les autres. Et ça devient même le sujet du film, chez Renoir. Oui, et chez Renoir, c'est l'idée de la comédie sociale, il y a ça aussi chez Lubitsch, par exemple. Oui, bien sûr. Alors que chez Bresson, c'est peut-être l'idée qu'il y a effectivement du spectacle, dans Jeanne d'Arc, par exemple, c'est évident, on l'a vu hier, mais qu'il y a quand même quelqu'un qui est le bénéficiaire et le destinataire final de ce spectacle, qui est un peu le spectateur, qui est un point de vue de l'extérieur, qui est un point de vue qui n'est pas le même que celui des gens qui, dans le film, jouissent du spectacle. Donc il y a un spectateur au carré ou un spectateur supérieur, qu'on peut très bien, si on est chrétien, assimilé au point de vue de Dieu, qui est aussi bien le point de vue de l'auteur ou qui est aussi bien le point de vue du spectateur. Et c'est très très visible dans le portrait de Jeanne d'Arc qu'on a revu hier, où il y a effectivement des moments où Jeanne d'Arc, quand elle est épiée par le trou dans le mur, regarde vers ce trou même, et donc établit, au mépris de toute vraisemblance, une sorte de rapport de drague, ou de rapport de séduction, ou de rapport de « je sais que tu me regardes et je sais que tu es là », qui n'a rien à voir effectivement avec ce que le théâtre peut produire. Et là donc effectivement, en tant que tel, Bresson touche un peu à l'essence du cinéma. Bon, et je pense à un autre film que j'ai pas revu mais que je connais bien, qui est Pickpocket, qui est certainement l'un des films les plus ahurissants en fait de ce point de vue là où l'on peut dire sans exagérer que le héros du film, le pickpocket, ne regarde quasiment jamais les personnages autour de lui, a toujours les yeux baissés et ne réserve tous ses regards, qui sont des regards caméra, des regards tout à fait surprenants, qu'aux spectateurs. Bon, je pense que c'est autour de ce jeu de regard qu'il faut réévaluer ce que Bresson dit à propos du théâtre, de l'exhibitionnisme, etc., qui sont, disons qu'il a son théâtre à lui, quoi. Oui, mais il y a une... Tu disais hier soir, précisément, ce débat de l'Action République, Serge Danet, qu'il y avait une force inouïe de ces regards. Enfin, c'est très sensible dans Jeanne d'Arc, mais c'est aussi dans le journal La Durée de Campagne, c'est aussi dans tous les films de cette époque-là. Et aujourd'hui, bien sûr, il y a... Quand les personnages de Bresson se regardent, et quand, justement, ils passent d'un plan à l'autre, brutalement, enfin, cette espèce de brutalité comme ça, du raccord, dans la croisée des regards, on peut dire, il se passe quelque chose de très mystérieux, d'irréductible, et que lui seul sait faire à ce point-là. Oui, il y a quelque chose qui a évidemment à voir avec l'érotisme. Enfin, hier, en voyant quelques images des vieux films de Bresson et puis des films plus récents avec Jean-Claude, on se disait, c'est très net, c'est un cinéaste qui s'intéresse dans le corps au blanc de l'œil. Bon, il y a des phrases de bataille qui sont éloquentes là-dessus. Et je crois qu'il ne déchaîne toute une mécanique de regard que pour permettre à un certain moment au spectateur d'avoir rapport à l'œil comme organe cette fois-ci, à l'œil blanc, à l'œil qui ne voit pas. Bon, en ce sens, on peut dire que si Bresson est quelque part chrétien, c'est comme ça qu'il l'est, c'est-à-dire par toute une conception de l'érotisme, hein, au sens de bataille. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que chez lui, c'est l'image même qui est érotique, parce que pour produire des émotions plus grandes, il en montre le moins possible, et que tout son effort, du moins jusque vers le début des années 60, c'était d'en montrer le moins possible. Et c'est justement de là que venait l'émotion. Mais cet érotisme, d'ailleurs, avait été perçu par Buñuel dès Les Anges du Péché, qui, à la grande surprise de Bazin, avait dit, Buñuel avait dit à la grande surprise de Bazin que Les Anges du Péché était un film érotique, où c'était merveilleux de voir ces filles, ce qui était en réalité des religieuses, laver les pieds des autres, se laver les pieds les unes les autres, et que, Bazin avait cru à un gag de Buñuel, et pas du tout. Buñuel avait perçu d'emblée, et catholique l'un et l'autre d'origine, et ayant l'un et l'autre un sens érotique très très profond, ils se rejoignaient là, et Buñuel n'avait pas vu quelque chose d'extravagant là, chez Bresson. Il avait vraiment vu tout de suite, dès son premier film, ce qui se passait. Alors Jean-Claude, puisqu'on en est à Jean-Claude Bied, puisqu'on en est à l'acteur, je sais que tu es quelqu'un qui a une passion pour le cinéma français des années 30 et 40, donc pour ce qu'il avait, pour une de ses plus grandes richesses qui était le jeu du comédien à l'époque. Et il se trouve que par ailleurs, tu as pour Bresson aussi une grande admiration. Oui, parce que j'aime pas simplement... Bon, j'aime beaucoup le cinéma français, mais c'est plus en tant qu'ensemble de films et très grande variété de films. Bon, le cinéma français, il a comporté plusieurs cinéastes extrêmement variés et extrêmement différents les uns des autres. Bon, j'aime beaucoup le cinéma de Bresson, mais c'est pas... Bon, le travail sur l'acteur chez Bresson, je le trouve sidérant parce que je n'arrive jamais à me l'expliquer. Quand je vois un film de Bresson, je suis très impressionné par ce qu'il fait avec les acteurs et je n'arrive jamais à comprendre comment il le fait. Bon, alors ça, je trouve que ça prouve que ces films, ils sont pas systématiques, comme on a bien voulu le dire, sur la négation de l'acteur. Mais je pense que dans toute l'œuvre de... on ne peut pas séparer la conception de la direction d'acteur chez Bresson de chaque film pris séparément et du sujet traité par chaque film. Et de même, on découvre des différences tout au cours de son œuvre. C'est-à-dire, bon, dans Les Anges du Péché, il croyait encore à l'acteur traditionnel. Avec les Dames du Bois de Boulogne, il a employé des acteurs et à la fin du tournage, il a sans doute juré que c'était fini et il a amorcé une autre démarche dans ses films suivants. Mais je trouve que les acteurs, bon, y a une négation de l'acteur, une certaine, disons, c'est plutôt une attention au mouvement intérieur, hein. C'est-à-dire on gomme tout ce qui apparaît extérieurement pour essayer de faire apparaître ce qui est intérieur, ce qui est mouvement interne, ce qui provoque les regards, ce qui provoque des mouvements de tête ou de mains imperceptibles, bon, ou des positions de mains dans le cadre. Et tout ça, c'est une période qui, à mon avis, s'achève avec le procès de Jeanne d'Arc. Et après, il me semble que il y a, à l'exception de Mouchette, et là je suis d'accord avec ce que disait Moulet hier, qui était vraiment une commande faite à Bresson de faire du Bresson, et moi je pense que c'est son plus mauvais film, bon, c'est très habile, c'est une sorte d'art parfait, mais qui est très répétitif par rapport à ce qu'il a fait avant. Et j'ai l'impression que tous ses films suivants sont des films de recherche, qu'il était en train de chercher quelque chose, et que sa première période était une période où il tendait vers une sorte de perfection, je dirais au sens plein du terme, esthétique. C'est-à-dire que dans sa première période, il a été un très grand artiste. Et il est arrivé à faire des films avec un système d'émotions qu'il avait absolument besoin de faire passer et d'incarner dans des films. Et la période de recherche, d'une certaine manière, exclut cette perfection esthétique de ses premiers films. Et c'est pour ça que... Enfin, je pense que c'est pour ça qu'on ressent, en voyant que ce soit Balthazar, que ce soit Une femme douce, on sent qu'il y a des choses dedans qui sont extraordinaires et d'autres choses qui sont moins bien, et on sent une certaine indécision en ce qui concerne la direction de l'acteur. C'est-à-dire, je trouve que la direction d'acteur passe un peu au second rang, et on en arrive à, dans Lancelot, à une sorte d'emploi qu'il ferait de son système de direction d'acteur, mais que c'est autre chose qui l'intéresse et que c'est autre chose qu'il recherche que ce qu'il a déjà si bien obtenu dans la première période de son œuvre. Et je pense que je n'ai pas encore vu Quatre nuits d'un rêveur, c'est le seul film de Bresson que j'ai jamais vu. Je pense que Le Diable probablement est un film où il a, il me semble, définitivement renoncé à une recherche esthétique, et que ce qui fait la grandeur de ce film, elle est plutôt à chercher sur le plan moral que sur le plan, disons, entre guillemets, de la beauté inexplicable. C'est-à-dire que je pense que Le Diable probablement contient des choses qui, cinématographiquement, ne sont pas ce que Bresson a fait de mieux, mais l'espèce de courage de se jeter à l'eau et d'aborder un sujet que personne dans le cinéma français n'a jamais traité, et de dire certaines choses qui n'ont jamais été dites, fait que, à nouveau, son cinéma est obligé de prendre des risques. Et, il y a des moments dans Le Diable, probablement, qui me paraissent du moins bon Bresson. Mais il y a des idées de cinéma extraordinaires, comme celle qui est du personnage qui fait attention à sa démarche et à la manière dont il pose ses pieds sur le sol. Et ça, je trouve que c'est une idée de cinéma extraordinaire. Et elle fonctionne à l'intérieur du film comme une espèce de quête au même titre que celle de Pickpocket. Oui, alors Serge Danet, c'est-à-dire un peu autour de ça que tournait le débat d'hier soir, Serge Danet et Luc Moulet, c'est effectivement, hier soir, il se trouve que c'est Jeanne d'Arc qu'on voyait, qui marque peut-être finalement une espèce de point de perfection, mais en même temps... pour lui peut-être intérieurement d'impasse, puisqu'il fallait qu'il aille plus loin. Et au hasard Balthazar, le titre d'ailleurs le dit bien, d'une certaine façon il se livre au hasard maintenant beaucoup plus délibérément, tout en voulant le contrôler. Enfin, c'est cette espèce de folie de Bresson d'aller se laisser aller au hasard et en même temps de vouloir contrôler complètement ce qu'il fait. Et je crois qu'avec un an de décalage, le diable probablement travaille dans notre tête d'une autre façon. Enfin, c'est certain. Serge Danet, tu veux en parler ou Luc Moulet Le diable probablement, c'est un film qui marque Luc un Moulet. Tournant, comme l'a dit Biette. C'est que c'est un film qui montre des choses différentes des autres films de Bresson. Les films de Bresson étaient centrés, on peut le dire, sur l'acteur et le visage de l'acteur, notamment à Condamné à mort, c'est fait sur les visages et Jeanne d'Arc et aussi en grande partie. Et le journal La Durée de Campagne, bien sûr. Et le journal. Bon, le visage qui est une partie du corps. Avec Lancelot, on va perdre les visages et avoir simplement des éléments du corps. Déjà, dans les films précédents, il y avait beaucoup de plans sur les mains, dans Pickpocket ou dans Le Condamné. Des plans sur les pieds, on en a vu dans Le procès de Jeanne d'Arc. Mais c'était pas aussi évident que dans Lancelot du Lac, où carrément on coupe la tête des personnages parce que c'est moins intéressant que leurs mains ou leur corps. Et même quand on les voit en entier, ils portent des casques, ce qui fait qu'on ne voit pas du tout leur visage. Donc c'est un exemple de cinéma partitif qui n'existe pratiquement pas dans les autres films et qui est une voie absolument nouvelle pour le cinéma français et le cinéma mondial, qui donne une impression curieuse. Et dans Le Diable, probablement, il continue un petit peu dans ce sens-là. Et il va même plus loin, parce que ce qui est le plus intéressant, enfin ce qui est le plus réussi dans le film, c'est souvent sur des éléments extérieurs à l'acteur. Les plans qui m'ont le plus impressionné, c'est un plan d'autobus et un plan d'abattage d'arbres, qui sont effectivement des plans de virtuoses. Et je crois d'ailleurs qu'il avait comme projet un film sur le sport, ce qui nous surprend beaucoup quand on connaît les films précédents de Bresson. Alors, je pense que ce film serait peut-être fait plus sur des éléments purement physiques et où le visage de l'acteur est moins important. Alors, il y a toute une nouvelle orientation qui est très importante et il faudra voir ce que ça donne si Bresson fait un autre film. Mais vous, Luc Moulet, est-ce que vous êtes sensible à ce glissement dont parlait, à cette évolution dont parlait Jean-Claude Biette tout à l'heure, à savoir un certain renoncement à l'esthétique, au profit comme ça d'un souci nouveau chez Bresson, pratiquement de témoigner sur la vie contemporaine à travers Les Quatre Nuits d'un rêveur et à travers Le Diable probablement. Dans une certaine mesure, parce que l'esthétique de Bresson coïncidait avec le noir et blanc. Et il a abandonné le noir et blanc en 68 avec Une femme douce. On peut dire que la couleur était quelque chose qui avait beaucoup plus de mal à dominer que le noir et blanc, et c'est un peu en fonction de ça qu'on peut dire qu'il y a un changement. C'est pas tout à fait vrai, parce que Lancelot est un film très travaillé et réussi sur les couleurs, et d'autre part Au hasard Balthazar, qui est encore un film en noir et blanc, est un film beaucoup plus libre et dégagé du carcan esthétique qu'il y avait dans Le Condamné à mort ou dans Mouchette. Donc c'est plus subtil que ça, mais je pense que c'est là la charnière. En même temps, il y a peut-être une sorte d'épuisement, ou peut-être qu'il a considéré qu'il arrivait à une certaine perfection, et il a cherché d'autres voies. En même temps, il arrive souvent qu'un auteur assez âgé cherche à coïncider avec les personnes qui sont plus jeunes, essayer de les suivre, c'est une optique qu'on trouve fréquemment, avec des résultats divers, que ce soit dans un sens très, très intéressant avec Balthazar, ou de façon très déconcertante avec Quatre Nuits d'un rêveur. Oui, alors Serge Danet, là-dessus, tu dois avoir des idées, je pense, parce que, si on en revient à ce qui a été dit, Il a été dit que Bresson se sentant vieillir, on peut prendre ce que dit Moulet de manière totalement péjorative, se sentant vieillir et eut brusquement l'envie de plaire à des gens beaucoup plus jeunes que lui, à cette espèce d'envie de rester de son temps. Enfin, qu'est-ce que tu en penses? D'abord, il faut revenir à cette idée de modèle, c'est-à-dire que il faut bien distinguer le sujet du film et les modèles dont Bresson a besoin. Et là-dessus, il n'y a pas de problème. Depuis son premier film jusqu'au dernier, Bresson parle de gens jeunes. Ces modèles sont toujours des gens qui ont 20 ans, que ce soit depuis Les Anges dépêchés jusqu'au dernier. Donc là-dessus, il n'a pas du tout... il n'a pas renié, il n'a pas changé, il ne s'est pas mis au goût du jour. Il a continué à peindre à partir de modèles extrêmement précis. Enfin. Et qui n'avait pas, et qui dès le début n'avait pas son âge, puisque quand il fait Les Anges du Péché, quand il fait Les Dames du Bois de Boulogne, et quand il fait ses premiers films, c'est déjà un homme relativement mûr. Oui, enfin, c'est quelqu'un qui a besoin de modèles jeunes, comme un peintre avait décidé qu'il peindrait des pommes et non pas des poires, ou avec ou des nus et non pas des paysages. Bon, là-dessus, il faut prendre le mot modèle dans son sens pictural. Des jeunes intemporels dans ses premiers films. Voilà. Alors, ce qui a changé, c'est que là, c'est, comme on dit, c'est les jeunes d'aujourd'hui. C'est pas des jeunes en soi. Jeanne d'Arc est jeune, mais c'est sûr que Jeanne d'Arc, on ne la ressent pas comme une jeune femme. C'est plus que ça, c'est un mythe. Et j'aimerais rappeler un petit truc et une sorte d'anecdote. C'est que lorsque le film est sorti, l'année dernière, dans le journal Libération, il y a eu un texte comme ça, très hâtivement fait. Comme on fait quand on ne sait pas trop quoi dire d'un film qui est assez impressionnant mais qu'on ne sait pas prendre, alors ça donnait quelque chose du genre « qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est chouette, mais on n'en a rien à foutre ». Et assez curieusement, il y avait eu, publié par Libération, une ou deux lettres de lecteurs de Libération, donc de gens certainement très jeunes, qui disaient « nous on n'est pas d'accord, le film nous touche, il parle de choses qui nous concernent, on ne peut pas disposer du film comme ça ». Et ça, je pense que cette réaction-là dans Libération, elle est un petit peu à l'image de une sorte d'hésitation qu'il y a eu autour du film, y compris au Cahier du cinéma d'ailleurs. Le film nous a beaucoup, beaucoup déconcertés. Il y en a qui ne l'aimaient pas du tout, il y en a qui le trouvaient formidable. On a eu à peu près toutes les réactions possibles imaginables, ce qui prouve que le film surprend, y compris des gens qui connaissent bien Bresson. Et ça tenait certainement à ce fait qu'effectivement, Bresson, tout en continuant à peindre donc ce même genre de modèle, avait décidé d'ancrer ça pour une fois absolument en 77, et il n'y a pas à se tromper sur la date, enfin il suffit de voir ce que les gens disent, les discours qui tiennent, l'écologie, les bébés phoques, pas de problème, c'est en ce moment, c'est maintenant, et c'est ça qui a surpris complètement les gens, c'est que finalement quand on fait les comptes, ce soit l'un des rares films sortis ces dernières années, pas seulement qui parlent des jeunes, mais qui, par exemple, disent à propos des jeunes quelque chose que seuls les sociologues ou Vincent Ponté de temps en temps dans le monde disent, c'est-à-dire que, par exemple, les jeunes se suicident. Bon, c'est incroyable comment le thème du suicide, qui est quand même un grand thème romanesque déjà, qui a beaucoup existé, et qui est, par ailleurs, une réalité sociale bon, qui continue à exister, est complètement tabou dans le cinéma français. Et on sait que les gens qui se suicident le plus sont les jeunes. Bon. Et dans tout d'un coup l'envie de cet homme qui est vieux, enfin qui est un vieillard, pas seulement de faire un film sur les jeunes, mais de faire revenir à la surface quelque chose qu'on a complètement oublié, enfin qui est introuvable, qui est absent dans le cinéma français, il y avait une sorte de culot tranquille, d'indifférence complète au mode, et inversement, une manière de se brancher finalement sur... sur, on pourrait dire, les choses telles qu'elles se passent aussi, et telles que le cinéma nous a un peu déshabitués de les voir. Ça, pour moi, c'est très très important. Il n'y a pas besoin de référence à Dostoïevski ou à la culture pour trouver ce thème actuel. Et je pense que tout ce qui s'est passé, d'ailleurs, depuis un an, et ce qui se passe maintenant, donnerait plutôt raison à Bresson sur le désarroi de la jeunesse, sur ce côté un peu vaincu d'un combat qu'elle n'a pas réellement mené. Bon, il suffit de voir cette année toutes les commémorations en 68 pour comprendre que les personnages de Bresson et leurs référents dans la vie sont bien dans cet état-là. Et disons, au niveau d'un réalisme minimum, le film est déjà beaucoup plus intéressant et beaucoup plus passionnant que beaucoup de films faits par des gens plus jeunes, plus à gauche, plus bien pensants, plus sociaux, qui eux continuent à nous montrer des personnages très très artificiels, quoi. À propos de la permanence de Bresson jusque dans son dernier film et le fait qu'il soit effectivement à son âge le seul à avoir été traité le sujet du diable probablement, il y a une autre question qui découle de celle-là et qui est que retenir de Bresson pour les films à venir. Enfin, je veux dire, quel est ou pour les films passés. Il est bien évident que Pickpocket, par exemple, a eu un effet radical sur les cinéastes de l'époque, sur les jeunes cinéastes de l'époque, en particulier sur Demy. Sur Jacques Demy, on peut dire que La Baie des Anges est un film qui est marqué par la vision de Pickpocket directement. Enfin, d'ailleurs, ce film a terriblement impressionné, je me rappelle, à l'époque. Pickpocket, dans la mesure où il troublait considérablement, où il était très très très mystérieux, où il le reste d'une certaine façon. Donc là, au moment de Pickpocket, Bresson, d'ailleurs très très content de lui à cette époque-là, était très content d'avoir sidéré littéralement tous les jeunes cinéastes de l'époque. D'abord par sa séquence de la gare de Lyon, qui est un morceau inouï de montage et de cinéma, et d'autre part par ce qui se dégageait mystérieusement de ce film. Bon, ce que je voudrais savoir, moi, c'est pour toi, Jean-Claude Biette, quand tu envisages de tourner ton prochain film, ou quand tu as tourné tes précédents films, ou pour vous, Luc Moulet, quand vous tournez vos films, Bresson se situe où, Jean-Claude Biette ? Je peux pas dire que Bresson ait eu vraiment d'influence sur mon cinéma. Je pense jamais à un cinéaste quand je tourne, ça... Ou alors, bon, si on a le temps de se reposer en attendant que l'opérateur arrive, ou bon, je dis pas que ça me traverse pas l'esprit de penser à un plan d'un film, mais je veux dire, à partir du moment où je fais un plan, où je suis pris par le travail du film, je pense jamais à un film. Je pense parce que tout ce que je résous se résout en fonction des problèmes posés par le film. Donc, je pense pas du tout à un autre cinéaste, et, ni à Bresson, ni à Renoir, ni à personne. Simplement après, quand j'ai fini ou avant, je vais voir des films. Bon, c'est sûr que les films de Bresson m'impressionnent beaucoup et que j'y vois plutôt comme une invite à essayer de faire le meilleur cinéma possible plutôt qu'à prendre des trucs chez lui. Je vois pas comment on peut prendre des choses chez lui. Il faut essayer de faire aussi bien si on peut. Ou si on en a envie, mais ça me paraît vain de lui voler des choses, parce que c'est quelqu'un chez qui on ne peut pas voler. Mais si, quand même, son style de direction d'acteur, puisqu'on en revient... Ça me paraît involable. Ça me paraît imprenable. Mais pourtant, on a beaucoup dit, en voyant le premier film de Jacquot, et même le second, que d'une certaine façon, Bresson était là, dans la façon comme ça... tenu de dire le texte. Oh, mais je crois que c'est parce que Jacquot s'intéresse aux mêmes choses que Bresson. Je crois que c'est plus au niveau thématique qu'au niveau quoique lui, dans son premier film, est tenu à une certaine neutralité. Enfin, dans L'Assassin musicien, je pense qu'il recherchait une certaine neutralité de la diction. Mais bon. Mais cela dit, j'ai revu l'autre jour La Chinoise à la télévision et. La dernière phrase, qui est une phrase de Mao, le film La Chinoise, il s'achève sur un procédé bressonien. Et c'est d'ailleurs pas ce qu'il y a de mieux dans le film, mais Godard a emprunté un procédé bressonien pour terminer La Chinoise, qui est le plan où les filles, je sais plus si elles ouvrent ou elles ferment les volets des fenêtres, et off, il y a une voix qui dit cette phrase de Mao, et qui est procédé typiquement bressonien. Donc, effectivement, on peut voler comme ça des trucs qui sont du Bresson ancienne manière, d'ailleurs. Mais je pense que les films de Bresson, ils sont faits pour créer des émotions chez les spectateurs, et le problème ne se pose pas de savoir si le spectateur est cinéaste ou n'est pas cinéaste. Il s'agit de ressentir des émotions en face des films de Bresson, et puis après, chacun fait sa route. Enfin, là, je voudrais rappeler une phrase de Cocteau à propos de Debussy. Et Cocteau disait « J'ai beaucoup mis en garde la jeunesse contre Debussy parce que c'est quelqu'un qui a ouvert une porte et qui l'a refermée aussitôt après. C'est-à-dire que personne ne pouvait s'y engager. » Et je pense que Bresson, c'est un peu pareil. on ne peut pas s'y engager. Ça ne fonctionne pas sur un cinéma ouvert, ça fonctionne sur un cinéma de construction extrêmement mystérieuse, dont personne ne connaît les clés, et ça n'est pas... Chez Renoir, on peut prendre beaucoup de choses, encore que ce soit très piégé, cette possibilité de lui voler des choses. Mais enfin, chez Renoir, je pense qu'on peut prendre des choses, mais chez Bresson, je ne crois pas. Luc Moulet ? Oui, moi je crois que je suis influencé consciemment ou inconsciemment par tous les cinéastes quand je fais un film, tous les cinéastes et Bresson donc. Je crois que Bresson agit un peu souterrainement sur moi et sur beaucoup de cinéastes parce qu'il nous oblige à nous poser plus profondément le problème de nos relations avec les acteurs et comment orienter leur jeu. Et c'est en ça que son influence est considérable. Il a changé notre façon de voir. Truffaut disait qu'il avait même changé la façon de tourner les films commerciaux parce qu'il n'y avait pas d'excès dans le cinéma commercial, que ce soit celui de Gérard Houry ou d'Henri Verneuil ou de Costa Gavras, comme il y a 30 ou 40 ans. Il y a donc une évolution même sur le cinéma, une influence sur le cinéma commercial qui, en principe, renie Bresson. Alors, je pense que c'est surtout cette influence-là qui compte. Personnellement, je dois dire qu'il a peut-être plus une influence sur ma vie que sur les films que je fais. C'est-à-dire qu'après avoir vu les films de Bresson, j'ai observé mieux les gens lorsqu'ils vivaient et je me suis rendu compte que l'impression de réalité que donnent les gens, particulièrement dans le nord de la France, pour le midi de la France et pour les pays vraiment latins, les attitudes des Français sont différentes. Mais je trouve que l'impression de réalité donnée par les gens qui vivent sans que leur façon d'agir soit vraiment travestie est assez identique à l'impression de réalité que donnent les acteurs de Bresson. Même s'ils font des gestes qui sont totalement inventés et totalement différents de ceux que j'ai vus, il y a une sorte de bizarreté du ton que Bresson obtient au bout de 30 ou 40 prises et qui donne cette impression de réalité qu'on retrouve dans la vie et qu'on ne retrouve pas dans un cinéma de série qui est censé d'ailleurs imiter la réalité, mais qui en est très loin parce qu'il reprend uniquement des codes de la réalité et pas autre chose. Donc je pense que il y a une influence... pour moi, dans ma vie et dans ma façon de voir la réalité, que je n'ai pas traduite, je pense, vraiment dans les films, mais ça me semble très important qu'on puisse voir la vie différemment après avoir vu les films de Bresson. Si bien, c'est ça, oui, c'est ça, c'est considérable. Mais je dois dire qu'il y a une influence aussi directe de Bresson sur certains cinéastes comme Benoît Jacquot et Gérard Blin, qui se recommandent fréquemment de Bresson. Non, pas Jacquot. Je parlais de Gérard Blin. Oui, de Gérard Blin, oui. Mais en fait, il me semble que c'est différent et parce qu'il n'y a pas cette recherche du timbre de voix spécial qu'il y a chez Bresson et qui crée l'émotion. C'est une façon de jouer beaucoup plus neutre et, à mon avis, qui n'est pas vraiment bressonienne, que les gens s'imaginent peut-être être bressonienne, mais c'est pas vrai. Et je pense que, comme Biette, que Bresson est inimitable. Donc, ne serait-ce que parce que la façon de travailler de Bresson ne peut pas être reproduite matériellement et financièrement par d'autres. Bresson arrive à ses résultats au bout de 30 plans ou 50 plans. C'est pas tellement le temps qui joue, parce que ça, alors, j'ai été témoin, comme ça, bizarrement... j'étais assistant de l'émission Cinéaste de notre temps et François Veillargans posait des questions à Robert Bresson. On avait donc les réponses de Bresson, visiblement ennuyé d'avoir à parler lui-même d'ailleurs. Mais quand il a été question de faire les contre-champs, c'est-à-dire de filmer Veillargans posant les questions, Bresson s'est amusé en disant « je vais vous diriger posant les questions ». Et j'ai assisté à ce travail d'épure, d'abord sur le texte, dire, la question devenait rétrécissée à vue d'œil, d'une part, et d'autre part, la caméra étant braquée sur Veillargans, Bresson derrière, il se passait quelque chose entre Veillargans, devenu brusquement pour une après-midi acteur de Bresson, et Bresson lui-même, il se passait quelque chose qui était de l'ordre de l'hypnose. J'ai réellement vu le visage de Veillargans changer, se détendre, avec cette espèce de gymnastique complètement fausse, enfin, et en même temps très étonnante, par exemple, de baisser les yeux sans baisser la tête. Ce qui est ce que nous faisons peut-être naturellement, mais qui est très difficile à faire quand on est devant une caméra. Et le fait que Bresson, d'une voix très douce, parce que son autorité passe par la douceur, et insiste, le temps s'en mêlant, enfin la durée, j'ai assisté vraiment à quelque chose de... J'ai vu brusquement, sous mes yeux, quelqu'un que je connaissais, qui était réalisateur, etc., devenir un acteur, devenir un modèle de Bresson. Et là, il se passait quelque chose qui n'est possible qu'avec la voix de Bresson, et qu'avec le type de relation étrange qui s'établit à ce moment-là entre Bresson et son interprète, enfin encore que ce ne soit pas du tout le mot, et son modèle. Donc, effectivement, c'est là que ça devient pas possible de le reproduire, puisque alors là, on va pas demander. Et c'est là qu'il y a la neutralité dont on parle, et n'est pas une neutralité. En réalité, il s'agit de gens qui sont au bord de la crise, au bord de la révolte, parfois. On a vu les acteurs de Bresson se révolter, écrire d'ailleurs des livres disant sur lui, avec le ton de la révolte. Mais, et même, je crois que certains ont eu du mal à s'en remettre, enfin, parce que c'est une épreuve, du point de vue de la sensibilité, très très très très forte, très très très très forte. Et ce qu'il capte, ce qu'il dérobe, ce qu'il surprend par effraction, est quelque chose de complètement unique et qui ne tient qu'à sa présence à lui, sur un plateau. C'est absolument impossible à reproduire. Oui, mais alors là, je pense qu'il y a une chose qu'il faudrait préciser, c'est que Bresson ne prend pas n'importe qui comme acteur. C'est-à-dire, il ne prend pas n'importe quel amateur, il prend en général des gens extrêmement introvertis et très souvent des intellectuels. Il prend plutôt des gens, je dirais, des méditatifs ou des gens qui réfléchissent. Oui, puis ensuite des gens selon son... Des gens selon et son... des gens avec qui il sent des affinités spirituelles, je oui. dirais. Moi, je pense que toute l'évolution du cinéma français depuis 20 ans, 25 ans, elle donne un peu raison à Bresson. Bon, si on repose la question de l'influence, il y a trois types d'influence. Il y a l'influence proprement biographique. Il y a des gens qui ont été ravagés dans leur vie ou bouleversés dans leur vie par Pickpocket quand ils l'ont vu en 59, et moi je suis de ceux-là. Ça, c'est une date dans ma vie. Bon, ça, c'est de l'expérience. C'est relativement pas communicable. Mais ça, justement, c'est ça. Je voulais que ce soit dit dans cette émission. Ça, il faut J'avais le dire. Très, très peur qu'on en reste à... Il faut le dire. La présence de Bresson est une présence inquiétante, enfin troublante, au sens le plus fort du mot « trouble ». C'est d'ailleurs lié à la voix, d'ailleurs, ça va venir. Et il y a la deuxième influence qui est massive et qui est celle dont parlait Moulet, c'est que, assez curieusement, beaucoup des choses que Bresson a apportées sur la manière de parler la langue française, de dire son texte, d'articuler, sont passées dans tout le cinéma français, y compris le plus mauvais, le plus loin, le plus commercial de lui. C'est vrai. Et aussi, je pense à la télévision, beaucoup. Il y a certainement, dans le style de dramatique télévision, quelque chose qui vient de Bresson. Ce qu'on appelle jouer sobre. Ce qu'on appelle l'horrible jouer sobre de la télévision. Bon, et qui lui doit détester. Que lui doit haïr. Lui doit détester. Il a raison. Bon, et il y a une troisième influence qui est plus profonde et qui tient effectivement à ce que vous disiez sur la voix. D'abord, bon, Bresson nous rappelle quelque chose qui tient alors au cinéma français, je pense, et quasiment uniquement au cinéma français. C'est que je crois qu'il n'y a pas d'exemple dans le cinéma français, sauf exception, de cinéaste important dans le passé et dans le présent qui n'ait pas écrit et réalisé les films. Moi, je me souviens quand j'étais gosse, conçu, écrit et réalisé par Sacha Guitry, mais c'était vrai aussi de Pagnol, c'était vrai aussi de Cocteau, c'est évidemment vrai de Tati, c'est vrai de tous les cinéastes de la Nouvelle Vague, c'est vrai de Bied et de Moulet qui sont là. Je pense qu'il y a quelque chose que Bresson a représenté avec beaucoup, beaucoup d'exigence et même d'arrogance à un moment qui était, par rapport au cinéma, disons, commercial moyen, où il y avait une très grande division du travail entre les scénaristes, les dialoguistes, les réalisateurs et les acteurs, l'exigence que c'est la même personne qui doit écrire les textes et diriger les acteurs qui disent les textes, et par rapport à ça, quelqu'un qui trouve un moyen de faire sortir la voix de quelqu'un en lui imposant sa propre voix. Et je pense que tout ce que le cinéma français a produit récemment, de plus radical on peut dire, c'est inséparable de cette exigence d'un cinéaste qui va de sa voix, enfin qui donne de la voix. Et c'est aussi bien vrai pour Godard, qui est certainement celui qui a repris de Bresson le jeu question-réponse, et puis qui a fini d'ailleurs par lui-même devenir son propre personnage, enfin Godard dans les séries de télévision avec sa voix très très particulière. Mais c'est tout aussi bien vrai pour, même s'il n'intervient pas directement, pour Straub, c'est évidemment vrai pour Duras, bon, qui, venant de la littérature, a complètement, directement parlé elle-même ses textes. Et là, effectivement, on n'est pas du tout au niveau des trucs de mise en scène ou même de la thématique. Chacun dit ce qu'il a à dire, mais il y a quelque chose que Bresson représente de très très fort dans le cinéma français, qu'il n'est d'ailleurs pas le seul à représenter, qui est... l'indissolubilité, tout du moins pour ce cinéma-là et pour cette langue-là, quand elle est parlée au cinéma, entre écrire un texte, écrire les phrases d'un texte, hein, il faut quand même dire à quel point les dialogues de Bresson sont des dialogues très très très fous, très très condensés, très très étonnants, qui n'ont rien à voir avec la sobriété, qui est simplement la présence d'une voix. Alors peut-être que c'est à partir de là qu'il y a du mysticisme, qu'il y a des récupérations... vers le spiritualisme, et c'est quelque chose qui est très fort dans le cinéma français aujourd'hui. Oui, c'est ça, c'est un... Lorsque Jaco double lui-même Lou Castel dans Les Enfants du Placard, c'est là, à mon avis, que Bresson passe le plus fort, beaucoup plus qu'ailleurs. C'est ça, c'est cette idée d'irréductible, c'est-à-dire que, et en même temps, d'irréductible à soi-même. Enfin, je veux dire que moi, si j'ai, pour toute sa période qui va jusqu'à Au hasard Balthazar inclus, que je considère comme un film inouï, un respect alors là presque paralysé, c'est parce que il est le seul homme à pouvoir avoir dit pendant cette période il ne faut pas être l'exécutant fût-ce de ses propres plans. C'est fantastique, et de l'avoir réellement fait, c'est-à-dire que de nous avoir mis, nous spectateurs, dans une position de stupéfaction et de surprise très près de l'absolu. Sur un regard de Jeanne, sur une insolence de Jeanne, sur un geste de la main du condamné à mort vers son mur, sur la simple façon dont, dans le condamné à mort, les personnages se regardent et l'un dit à l'autre « ton histoire, c'est du roman ». Je veux dire que là, il se passe quelque chose d'irréductible à quoi que ce soit. Je veux dire qu'on est vraiment devant... devant une approche comme ça, vraiment de l'inconnu. Rien ne l'intéresse tant que l'inconnu. Et c'est là que je crois qu'on peut expliquer peut-être pourquoi il a fait Au diable, le diable probablement. C'est parce que là, il s'est jeté dans l'inconnu avec effectivement une audace assez inimaginable. Et ah oui, au risque d'ailleurs, en y risquant son propre film. Avec en plus un réel désespoir, parce que si Jeanne entend des voix et que c'est réellement Sainte-Marguerite et Saint-Michel, dans le dernier, rien ne dit que les voix ne sont pas les voix du diable. C'est bien toujours des voix qu'on entend, mais il n'y a plus aucune caution, aucune garantie de d'où elles viennent, d'en haut ou d'en bas. Bien, alors, Pierre Donadieu, nous revoici en studio après ce débat autour de Robert Bresson, qui a été enregistré ailleurs, en extérieur. Alors, les films à voir, il est évident qu'on va se précipiter voir le Ferrari que nous n'avons vu ni toi ni moi, parce que nous ne sommes pas à Cannes. Et que ce sera, on y reviendra très probablement dans le cinéma des cinéastes dans les semaines qui viennent. Je crois qu'on peut annoncer pour la semaine prochaine un entretien très passionnant, qui sera d'ailleurs double, qui nous occupera pendant deux émissions avec Jean Gruau, qui est finalement quelqu'un de très important pour nous, puisque c'est le scénariste, l'ami de Jacques Rivette, de Roberto Rossellini, de François Truffaut. Alors, il faut aller voir le Ferrari de toute évidence, même sans l'avoir vu. Je veux dire, même sans que nous l'ayons vu nous-mêmes. Nous l'ayons pas vu pour le conseiller, effectivement. Il faut signaler que l'Action République, il y aura un nouveau débat sur Bresson à propos de Au diable probablement. Débat qui doit être normalement très intéressant. Ce sera probablement le 5 juin. Je crois qu'on peut annoncer d'ores et déjà la présence de Benoît Jacquot, sans doute Luc Moulet, Jean-Claude Biet, Serge Danet des Cahiers du Cinéma, et d'autres gens peut-être également. Il faut dire aussi que... pratiquement tous les films de Bresson, comme on vient de le dire dans l'émission, vont passer à l'Action République. Le seul pour lequel il y ait un problème, c'est pour le journal d'un curé de campagne, pour lequel la Cinémathèque est en train de rechercher sa copie spécialement, mais peut-être qu'on ne la trouvera pas. Mais autrement, tous les autres passeront. Ça veut dire que non seulement les dames du bois de Boulogne, mais les anges du péché, mais un condamné à mort s'est échappé. Donc tout cela est à pouvoir absolument. Et l'autre rétrospective importante actuellement, c'est les films d'Hitchcock qui passent à l'Action Lafayette, et notamment les Hitchcock muets et les Hitchcock du début du parlant, qui sont des films rarissimes et qu'il faut voir absolument. Oh, et puis qui sont, en plus, c'est pas seulement des objets d'histoire, ce sont des films passionnants. Oui, oui. C'est-à-dire que Hitchcock a été Hitchcock dès le début, enfin, dès The Lodger, dès... Et puis, sans oublier le passage au parlant qui est passionnant avec Blackmail. Enfin, Hitchcock a été Hitchcock dès le début. Ça, c'est une ça. Chose, Et il faut pas oublier que l'occasion de revoir ces films est très très rare, et ne pas rater les occasions de voir ces films, parce qu'il y en aura peut-être de moins en moins des occasions. Donc, il faut aller à l'Action Lafayette pour voir Hitchcock, il faut aller à l'Action République pour voir, encore que ce soit pas du tout la même direction, c'est simplement les actions qui font le... Le lien. Le non-action, oui. Et alors, Bresson à l'Action République, Hitchcock à l'Action Lafayette, donc pour quelqu'un qui est cinéphile, c'est déjà... It's a must, comme on dit. Et puis, Ferreri, il n'a plus fini, parce que je crois qu'en plus, on reprend certains de ses films dans une salle. Il y a la Donna Chim, il y a le mari de la femme à barbe, Touche pas à la femme blanche, qui est un film que personnellement j'aime énormément, et enfin La dernière femme, qui était son dernier film avant Rêve de singe. C'était Le cinéma des cinéastes, sur l'œuvre de Robert Bresson, par Claude Jean-Philippe, une émission diffusée pour la première fois sur France Culture, le 28 mai 1978. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr, à la page des nuits. And it's all for you.